C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à l'entrée une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur, de vos vœux, fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots, un artifice honnête, pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. » Elles mirent tous pour avertir son mari. « Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux ? Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on nous pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos voeux sur des discours, on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. »